Je me souviens un été, je voulais aller à ce truc là-bas, histoire de voir ce que ça pouvait valoir. J'ai pris le RER à direction Marne-la-Vallée, bah croyez-moi, plus jamais j'y foutrai les pieds. Disneyland Park, ça fait peur dans le noir. Les gars en costume, ils courent vers toi. Dingo m'a collé au cul tout le temps. Mais pourquoi je suis allé là-bas? J'aurais préféré Jurassic Park. Je crois que la crêpe a sauté hors de la poêle. Oh non! Space Mountain m'a fait gerber une bonne trentaine de fois la bouffe que j'avais pris au resto en forme de théière. Ah chérie, j'ai rétréci le public, j'ai pris une giclée du clébard sur l'écran qui venait d'éternuer. Disneyland Park, ça fait peur dans le noir. Je me suis fait piétiner dans une parade. La file d'attente pour Indiana Jones est mortelle. Mais pourquoi je suis allé ici? J'aurais préféré le parc Astérix. Je crois que les carottes ont sauté hors de la terre. Oh non! Ah ah, je suis Mickey. Ah ah ah ah. Disneyland Park, ça fait peur dans le noir. Même si Michael Flatt l'éclaire en Christmas time, la parade électrique entière est passée sur moi. Mais pourquoi je suis allé là-bas? J'aurais préféré rester chez moi. Je crois que l'essuie-glace a repeint les pneus de mon chien. Oh non! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha